Si à l'échelle nationale, le nombre de nouveaux cas de cancer est en léger recul, ainsi que la mortalité induite, les cancers représentent toujours la première cause de mortalité en France, avec autour d'un décès sur quatre. Pourtant, jamais les traitements et le diagnostic n'ont été aussi performants, avec l'arrivée notamment des thérapies ciblées et de l'immunothérapie. Mais malgré cela, il arrive que des tumeurs qui répondent dans un premier temps favorablement au traitement finissent par ne plus y répondre et recommencer à se développer. Cette situation, c'est ce que l'on appelle l'échappement thérapeutique. Quelles en sont les raisons et comment le prendre en charge ? Échappement thérapeutique, quand les cancers font de la résistance, c'est le programme oncologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre ce qui est à l'œuvre dans ces situations d'échappement thérapeutique, est-ce que peut la médecine, notamment via l'admission dans des protocoles expérimentaux ou des essais cliniques en cours, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussy à l'Université Paris-Sud, co-directrice de l'équipe de recherche sur le mélanome à l'INSERM. Sylvain Bell, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur à l'Institut Gustave Roussy, également co-responsable du programme de recherche Synchro pour sociologie des innovations en cancérologie du laboratoire CESTIM de l'INSERM à l'Université d'Aix-Marseille. Et François Dose, bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue, pédiatre, directeur adjoint de la recherche clinique, l'innovation et l'enseignement dans le centre d'oncologie Cyrédo et responsable de l'enseignement à l'Institut Curie. Mais pour commencer cette émission, comme chaque jour, on fait le tour de l'actualité des sciences et de la recherche avec Natacha Triou dans le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, dans la revue Science Translational Medicine, un nouveau médicament contre la grippe semble plus efficace que la plupart des traitements classiques. Et le principal problème du virus de la grippe, qui cause chaque année entre 300 000 et 500 000 décès dans le monde, c'est qu'il évolue en permanence, ce qui lui permet d'être résistant aux antiviraux. Les chercheurs d'Atlanta ont modifié un nucléotide pour obtenir un nouveau composé, le EIDD-2801. Il cible une enzyme qui permet au virus de répliquer, et lors de la réplication, l'enzyme incite le virus à commettre des erreurs génétiques que les virologues appellent une erreur catastrophe. Les essais montrent que ce traitement bloque les mutations du virus et l'empêche de se propager. Les tests sont très prometteurs sur les furets, dont l'infection grippale est proche de l'humain, et des essais cliniques sont prévus au printemps prochain. Marlène Dreux est chercheuse à l'INSERM en immunovirologie. Elle dirige une équipe de recherche au CIRI ENS de Lyon. Le médicament va interférer avec la réplication au niveau de la synthèse de molécules de génome et donc induire ensuite une évolution plus rapide de la modification de séquence. L'erreur catastrophe, c'est l'idée que en fait un virus pourrait évoluer, mais s'il évolue trop ou trop vite, finalement il ne va pas avoir une réplication qui est augmentée parce que en gros ça va être un virus qui devient délétère. Et donc le concept là, c'est une évolution qui serait trop rapide et donc qui ne permet pas au virus de se propager ensuite. La méthode en soi, oui, elle est originale. Elle est originale au sens comme ça, de façon très naïve, où on a du mal à imaginer tout de suite un mécanisme d'échappement. Donc c'est à première vue, donc il faut voir ensuite sur ce qui peut se passer. Et on peut très bien imaginer que ensuite le virus va avoir des mécanismes pour finalement se débarrasser de la molécule elle-même dans les cellules infectées. Je crois qu'il y a déjà des scientifiques qui se sont exprimés sur le fait qu'évidemment, il peut y avoir des résistances, même si elles n'apparaissent pas dans les premiers tests. Puisque la question qui se pose pour tous les traitements antiviraux, en fait, ça va être l'efficacité du traitement, donc comment il va pouvoir enrayer l'infection par rapport à l'efficacité du virus, celui, pour pouvoir avoir une adaptation et des mutations et donc ne plus être sensible à ce traitement. Et on passe au bref du jour. Dans la revue Science, une étude montre que l'extinction des dinosaures a favorisé le développement des mammifères. Il y a 66 millions d'années, un impact d'astéroïdes a provoqué la disparition de 75% des espèces de la planète. Les chercheurs de Denver ont découvert dans le Colorado des milliers de fossiles avant et après cette période. Avant l'impact, les mammifères n'étaient pas plus grands que des rats, ils ne pesaient même pas 1 kg. 100 000 ans après, leur nombre a doublé et ils pèsent 8 kg de plus. 300 000 ans après, des mammifères de la taille de cochon apparaissent. 700 000 ans ans après, des animaux grands comme des loups prospèrent. Une des hypothèses avancées pour expliquer cette rapide expansion du règne mammifère, l'extinction massive a aussi fait disparaître les grands prédateurs. Une équipe américaine vient de mettre au point un système qui permet à une personne tétraplégique d'écrire grâce à de l'intelligence artificielle. Les résultats préliminaires ont été présentés lors du dernier congrès neurosciences de Chicago. Les chercheurs de l'université de Stanford ont demandé à un patient d'imaginer bouger le bras pour former les lettres de l'alphabet. Son activité cérébrale a été enregistrée pour mettre au point un réseau neuronal artificiel qui code la tentative de mouvement pour un modèle informatique de commande d'écriture. L'homme imaginait ensuite écrire avec un crayon imaginaire. Lors de l'expérience, l'interface cerveau-machine a décrypté les phrases du patient en temps réel et a reproduit une écriture manuscrite avec une précision de 95%. Voilà, puis les liens entre intelligence artificielle et handicap, ce sera le thème de notre émission de mercredi. Et pour conclure, Natacha Dandy, Astrophysical Journal Letters, les astrophysiciens de l'Université de Floride ont découvert un berceau de comètes. On ne comprenait pas comment les centaures, de petits corps glacés originaires de la ceinture de Kuiper et qui orbitent entre Jupiter et Neptune, comment ces centaures changent d'orbite vers le système solaire interne et deviennent des comètes. En étudiant l'orbite de 29P Schwassmann-Vachmann, de la famille des comètes de Jupiter, l'équipe a identifié une zone orbitale par laquelle la majorité des comètes passent. Ce cheminement canalise les corps glacés des centaures et pousse certains sur des trajectoires intérieures. Cette région vient d'être baptisée « Passage vers le Soleil ». Merci beaucoup Natacha. Ce journal des sciences, vous pouvez le retrouver évidemment sur notre site sur franceculture.fr ainsi que tous les liens vers les études qui ont été évoquées, qui sont postées en direct sur notre fil Twitter, que vous pouvez également retrouver si vous n'êtes pas abonné à ce réseau social via franceculture.fr. Voilà, c'est sans doute l'une des situations cliniques les plus difficiles à comprendre et à accepter, la tachyphylaxie ou échappement thérapeutique, le fait qu'une tumeur répondant dans un premier temps favorablement à un traitement finisse par ne peu ou plus y répondre. Il faut distinguer cet échappement de l'échec thérapeutique. Pourquoi alors et comment les tumeurs réussissent-elles à s'immuniser à un traitement dit conventionnel? Certains cancers produisent-ils plus d'échappements thérapeutiques que d'autres? Et que faire dans ce cas pour trouver d'autres solutions de traitement, d'autant que la situation est parfois difficilement intelligible pour les patients qui sont par ailleurs abreuvés d'informations sur les nouveaux remèdes miracles contre le cancer qui sortent régulièrement dans la presse. Et ce, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis fort longtemps, comme en atteste cette archive. Nous sommes en 1954 sur la radiodiffusion française. Voilà qui étonnera peut-être beaucoup de Français qui imaginaient le problème résolu et croyaient de bonne foi que pour guérir, on n'avait plus que l'embarras du choix. Du choix entre les drogues merveilles dont à longueur d'année, presse quotidienne et presse hebdomadaire annoncent la découverte à leur lecteur. Du choix entre le sérum de la doctoresse italienne qui s'est traitée elle-même avec succès d'un cancer qu'elle s'était inoculé. Entre les pilules du médecin allemand qui voyage et porte lui-même sa marchandise à domicile. Entre le vaccin du savant français, professeur bien entendu, dans un institut que, cela va de soi, il a fondé lui-même. En dépit de toutes ces thérapeutiques miracles, 80 000 Français et Françaises meurent de cancer chaque année. Et cela, malgré les incontestables progrès réalisés par d'authentiques savants de tout pays. Des progrès qui nous ont rapprochés du but, mais ne nous ont pas donné encore le vrai médicament. Celui qui permettra de guérir non pas un, mais des cancers en série, avec seulement ce minimum d'échecs qui grève toute thérapeutique humaine. Ce médicament, nous l'aurons sûrement un jour, mais il faudra peut-être beaucoup de temps, en tout cas beaucoup d'argent. C'est celui que nous vous demandons aujourd'hui. Voilà cette archive de 1954, peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, François Dose. Oui, effectivement, ça reste d'une grande actualité, même s'il y a bien sûr eu de nombreux progrès thérapeutiques depuis cette date. On reste dans une situation où il y a encore des formes à très haut risque qui ne guérissent pas malgré les progrès thérapeutiques les plus récents. Caroline Robert. Oui. Je pense que, effectivement, d'abord il faut définir de quoi on parle. Le cancer, quand il est localisé sur, par exemple, la peau, puisque moi je parle du mélanome, c'est sur la peau, c'est facile, ça peut être dans le sein, si c'est un cancer du sein, ça peut être ailleurs. Et quand on a pu faire une opération et que peut-être on a enlevé tout avant que des cellules soient parties s'installer dans le corps sous forme de métastase, on guérit quand même beaucoup de cancers. Quand on a un patient qui a des métastases, qui peut-être parfois ne sont pas encore visibles, c'est pour ça qu'on surveille les patients, ils ont un peu du mal à comprendre pourquoi on va les surveiller alors qu'on ne voit rien sur les premiers scanners, c'est parce qu'on sait que des cellules peuvent s'être échappées de la tumeur initiale, s'être installées ailleurs, créer des métastases. Et quand on a un patient qui arrive déjà avec des métastases qu'on ne peut pas opérer parce que ça ne sert à rien d'aller enlever à droite et à gauche, c'est une toute autre histoire. Et aujourd'hui, bien rare, malheureusement... Alors, je ne connais pas la pédiatrie, donc je vais laisser parler mon collègue pour les enfants. Mais pour les cancers adultes, on a les cancers du testicule qui guérissent assez bien. Mais c'est assez rare qu'on ose parler de guérison. On commence, mais ça reste quand même malheureusement assez rare. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le temps d'évolution est vraiment significativement allongé. Et l'exemple du mélanome est vraiment un exemple flamboyant. On a une maladie pour laquelle on n'avait aucun traitement. Et aujourd'hui, on a vraiment, ça se compte en termes de plusieurs années. Mais malheureusement, aujourd'hui, à 5 ans, si on parle de patients vraiment métastatiques non opérables, on a quand même près de la moitié des patients qui ne sont plus vivants à 5 ans. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant, mais... malheureusement, c'est encore difficile. C'est pour ça qu'on parle de rémission et non pas de guérison du cancer. J'aimerais juste peut-être une réaction de Sylvain Bell pour commencer sur effectivement cette archive et peut-être de votre regard sur votre regard à vous, qui est un regard de sociologue. Peut-être cette dissonance qu'il y a dans l'esprit du grand public entre effectivement, comme on l'entend dans cette archive de 1954, mais aujourd'hui encore en 2019, eh bien beaucoup de grandes nouvelles ou d'annonces de titres sur une nouvelle molécule miracle ou cette fameuse idée un peu magique du médicament universel, et puis la réalité d'un traitement et d'un traitement qui en plus va devenir inefficace au bout d'un moment. Oui, effectivement, il me semble que de la part des patients, il y a un besoin d'espoir constant. Constant bien sûr en général, mais aussi pendant la maladie et pendant ces périodes qui sont compliquées où la maladie va échapper au traitement. Et il faut bien comprendre que ce besoin d'espoir va aussi avoir une influence sur les choix que ces personnes vont pouvoir faire, sur les orientations qu'ils vont avoir et aussi sur les relations qu'ils peuvent avoir avec les membres du personnel médical. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve et qui est effectivement alimenté par la presse, on l'a entendu dans le reportage et qu'on revoit encore il n'y a pas très longtemps. J'ai vu un journal qui annonçait en grand les grandes nouvelles des traitements sur le cancer dans un centre de lutte contre le cancer. Donc on voit bien que tout ça est entretenu au fur et à mesure. Et il y a un besoin de ces patients aussi d'avoir cet espoir-là. Alors, puisque c'est le thème de notre émission du jour, vous m'y invitiez à l'instant, Caroline Rabert, peut-être faire un tour de table pour dire exactement de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on quand on parle d'échappement thérapeutique. Qu'est-ce que c'est ? François Dose. Oui, alors d'abord juste pour compléter, effectivement chez l'enfant, pour compléter ce que disait Madame Robert, chez l'enfant, des cancers même métastatiques peuvent être aujourd'hui accessibles à la guérison. Pas tous. Et ce qui est important à noter en pédiatrie, c'est que les progrès thérapeutiques des dernières décennies ont plus porté sur les tumeurs de bon pronostic où on a allégé des traitements pour avoir moins de séquelles. Mais les maladies les plus graves restent les plus graves aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est celles-là qui font l'objet d'innovations thérapeutiques. Et c'est celles-là qui, effectivement, on est souvent face à soit une forme réfractaire d'emblée au traitement connu, soit une forme récidivante. Et là, qu'est-ce qui fait que ces tumeurs récidivent, il y a souvent des phénomènes au niveau de la génétique des cellules tumorales elles-mêmes, avec des mutations acquises qui les rendent résistantes aux traitements connus. Il peut y avoir aussi, par hypothèse, des variations au niveau de l'environnement tumoral ou de l'immunité antitumorale qui peut ne plus contrôler ce qu'elle contrôlait et la maladie échappe aux traitements aujourd'hui disponibles. Il faut faire la distinction, Caroline Robert, entre échec thérapeutique et échappement thérapeutique, ce sont deux phénomènes distincts. Oui, on parle de résistance primaire et secondaire, c'est un peu pareil. Soit on donne un traitement, il ne marche pas, c'est la résistance primaire. On donne un traitement, il marche, c'est-à-dire qu'on a des réponses. On a des vocabulaires en oncologie qui sont parfois difficiles, qui ne sont pas les mêmes que les patients. On dit taux de réponse. Donc on a des maladies qui se traitent avec des chimiothérapies ou d'autres traitements, des taux de réponse de 50-60%. Ça a l'air génial. Sauf que la durée de réponse... elle est en moyenne de 3 à 6 mois. Déception. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au bout de 3 à 6 mois, le traitement devient inefficace. Ouais. On parle de de survie sans progression médiane. Quand elle est de 6 mois, ça veut dire qu'à 6 mois, la moitié des patients ont déjà récidivé. Donc c'est très peu intéressant. Mais il faut bien avoir des critères pour comparer les traitements et pour comparer ce qui se passe dans le temps. Et donc la résistance secondaire, c'est ce qui se passe malheureusement le plus fréquemment. Ce qu'on appelle l'échappement. Quand même. Mmh. C'est que ce que disait François, c'est très juste. En fait, si on veut bien comprendre et combattre le cancer, il faut un peu essayer de se mettre à la place des cellules cancéreuses. Si on veut survivre, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on est nombreux, on est un peu comme une fourmilière. On va avoir une certaine flexibilité, on va s'adapter. C'est exactement ce que font les cellules cancéreuses. Et en plus, elles arrivent à apprivoiser l'environnement pour survivre, à se cacher en quelque sorte. Et on voit des patients qui ont des réponses. Ça veut dire que les métastases fondent. Et on montre souvent en congrès cette image de ce patient. Nous, on a pas mal de métastases sur la peau, donc ça se voit. Vous travaillez sur les mélanomes, rappelons-le. Voilà, donc ça se voit. Donc 3 mois après, on ne voit plus rien. Et puis 6 mois après, c'est revenu. Ça veut dire que les cellules s'étaient cachées et qu'elles ont trouvé un moyen. Donc elles trouvent le moyen de... On fait la différence entre la persistance ou la quiescence des cellules tumorales. Elles sont un peu comme endormies, mais elles cherchent en fait une voie pour sortir et pour résister. Et en général, elles n'ont pas encore modifié leur ADN, elles n'ont pas encore une résistance avec une base génétique, mais elles remanient leur chromatine, enfin elles font des tas de choses pour essayer, d'une part, d'annihiler le système immunitaire autour d'elles, et d'autre part, de trouver une voie de résistance et de sortir. Et il faut qu'on s'adapte, nous, il faut que les traitements soient aussi intelligents et s'adaptent à ça. Et on va pouvoir examiner ces différentes voies de résistance, parce qu'on commence à comprendre maintenant justement par quelle méthode ces cellules tumorales réussissent finalement à développer des résistances au traitement. Peut-être un mot aujourd'hui, alors c'est difficile parce qu'on parle toujours du cancer comme ça, comme d'un tout, alors que évidemment ces cancers-là, ne serait-ce qu'en pédiatrie et pour les adultes, ce sont des maladies très distinctes, qu'il y a différents types de cancers, solides, liquides, bref. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut le quantifier, cet échappement thérapeutique, François Dos ? Parce qu'il y a des travaux en épidémiologie qui nous permettent, ou peut-être... On peut dire que, en ce qui concerne les cancers de l'enfant, le chiffre classique est qu'il y a aujourd'hui plus de 80% des enfants qui sont vivants à 5 ans du diagnostic de cancer, et que très peu d'entre eux vont récidiver. Donc on peut parler de 80% de chances de guérison, avec une problématique, comme je le disais tout à l'heure pour eux, de diminuer le risque de séquelles liées au traitement. Mais donc pour 20%, on est face soit à une résistance primaire, comme disait Caroline, soit à des récidives et un échappement. Et c'est pour cela qu'il faut trouver des solutions thérapeutiques. Sylvain Hel. Alors, sans apporter de chiffres précis, mais simplement, effectivement, je pense qu'il y a des réalités très différentes en fonction des pathologies, et ça va se ressentir sur quels sont les patients qui échappent, qui ont des histoires de vie qui peuvent être très très différentes. Certains ont eu plusieurs années, ont vécu plusieurs années avec la maladie, alors que d'autres ont quasiment sont tout de suite dans une situation d'échec thérapeutique dès le diagnostic. Et donc ça, c'est important à prendre en compte sur après qui vont être cette population particulière de patients. Karine Robert. Je prends encore l'exemple du mélanome, bien sûr. Je connais pas grand-chose d'autre. Évidemment. Donc le mélanome, c'est une maladie qui maintenant, qui a été un peu le pionnier pour le développement de l'immunothérapie. Donc apprivoiser son système immunitaire pour qu'il aille détruire le cancer, vous en avez déjà parlé dans plusieurs émissions, j'imagine. Donc l'immunothérapie, on a été subjugué par les résultats, et d'ailleurs ça a été vraiment initialement dans le mélanome, puis après dans plein d'autres cancers, on s'est aperçu que on pouvait obtenir des réponses complètes, donc on n'ose pas au début parler de guérison. Après, on s'est aperçu qu'on pouvait arrêter le traitement, encore une merveilleuse surprise, et que maintenant, on a 6 ans de recul, et que plus de 90% des patients qui étaient en réponse complète, mais qui ne constituent que 20% de tous les patients qu'on a traités, n'ont pas récidivé. Donc là... 6 ans après. Ouais. Donc on a quand même... ça ressemble à une guérison. On a envie de le... Alors on leur dit qu'on espère fort, on les surveille quand même, on commence à espacer les scanners, mais c'est formidable. Sauf qu'on aimerait bien pouvoir... d'abord qu'il y en ait plus, et pouvoir prévoir qui va répondre et qui ne va pas répondre pour qu'on puisse donner vite un autre traitement. Aujourd'hui, on est à la recherche de marqueurs prédictifs d'efficacité et de toxicité aussi, parce que ces traitements ne vont pas sans une certaine toxicité. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. à 16h20. Nous parlons donc tout au long de cette heure d'échappement thérapeutique en oncologie, hein, essentiellement avec Caroline Robert, Sylvain Bell et François Dose. Peut-être qu'on peut justement essayer de comprendre un peu maintenant mieux au niveau tumoral, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Caroline Robert, exactement qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que dans un premier temps déjà, quand on parle de traitement dit conventionnel, c'est-à-dire chimio plus radiothérapie, quand le traitement est efficace, quand il y a une bonne réponse sur une tumeur, qu'est-ce qui se passe au niveau tumoral? Il se passe que la métastase diminue de taille, on la mesure. On parle de métastase directement, c'est-à-dire de phase 4. Oui, parce que quand on est au stade initiaux, en général, on enlève la lésion ou on l'irradie et on l'élimine comme ça. Donc ça, c'est phase 1, 2. Ça, c'est les stades 1, 2. Mmh. Voilà, c'est les stades initiaux. C'est pas ceux qui posent le plus de problèmes. Le plus de problèmes, c'est quand on est au stade métastatique. Et donc là, on donne des traitements, soit des traitements avec action directe, comme la chimiothérapie ou les thérapies ciblées, soit des traitements à effet indirect, l'immunothérapie, et on observe la taille des métastases, on les mesure en centimètres. Alors peut-être qu'on peut rappeler exactement la différence qu'il y a aussi entre les cellules tumorales originelles et les métastases. C'est quoi la différence entre les deux ? La cellule du cancer initial est localisée dans l'organe où naît le cancer, et puis elle va pouvoir traverser la paroi des vaisseaux et être portée par des vaisseaux lymphatiques ou sanguins et s'installer dans un endroit où elle se trouve confortable. Et c'est assez étonnant la migration des métastases. Pourquoi un patient qui a forcément des métastases qui ont circulé dans tout son corps, puisqu'on peut en trouver dans le foie, dans le poumon, pourquoi elles ne sont que dans certains endroits? C'est régulé sans doute par des molécules d'adhésion qui font que ça peut s'installer à un certain endroit, et aussi au réceptacle. Est-ce que l'organe est accueillant pour le cancer, oui ou non? Ça varie en fonction des cancers. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui métastasent. On sait que le cancer du sein métastase beaucoup dans le cerveau. Oui, ça varie en fonction des cancers, mais aussi des individus. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore très bien. Et encore plus étonnant, on a des patients qu'on traite avec un médicament, et certaines métastases diminuent et d'autres non. Donc il y a des tas de phénomènes qui sont encore incomplètement compris et qu'il faudrait comprendre pour traiter mieux. Donc quelquefois on est obligé de continuer ce même traitement parce qu'on se dit quand même ça marche pour certains endroits, et d'opérer ou d'irradier d'autres endroits. François Dose, un mot justement sur ce début de bonne réponse thérapeutique. Ça veut dire que concrètement, que font les molécules sur les tumeurs? Comment est-ce qu'on traite finalement ces cancers avec la première partie de la réponse avant qu'elle ne reflue? Alors en fait, on peut l'illustrer très souvent en pédiatrie par ce qu'on appelle la réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante. C'est-à-dire que dans des tumeurs même localisées parfois, qui sont trop mal situées ou trop volumineuses pour être opérées d'emblée, on donne une période de chimiothérapie initiale. Et on opère la tumeur après cette chimiothérapie. Et dans certains cas, ça illustre bien l'effet de la chimiothérapie, eh bien, il y a une nécrose tumorale complète. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cellules tumorales. Donc c'est ce qu'on appelle évidemment une réponse très favorable à la chimiothérapie. Et donc en fait, c'est quand même comme ça que ça marche pour les médicaments les plus utilisés et également pour la radiothérapie. C'est qu'il y a une nécrose tumorale, une destruction des cellules tumorales. En pédiatrie, très souvent, c'est parce que ce sont des tumeurs très rapidement proliférantes, qui sont très sensibles aux médicaments classiques de chimiothérapie cytotoxique, qui sont justement efficaces sur les cellules qui se divisent rapidement. Donc ça, c'est vraiment l'efficacité, le summum de l'efficacité, c'est la nécrose complète. Mais alors comment se fait-il que quand on a une bonne réponse dans un premier temps, comment se fait-il que ça ne détruise pas toutes les cellules, puisque toutes les cellules, a priori, elles viennent de la même souche tumorale, donc normalement, elles devraient toutes répondre de la même façon? Alors c'est vrai, mais je pense d'abord qu'il ne faut pas être trop simpliste, c'est-à-dire que la cellule souche, enfin, il faut pas avoir peut-être une vision dite monoclonale d'une tumeur. Hein. Il y a souvent plusieurs clones au sein d'une même cellule tumorale. Caroline faisait allusion tout à l'heure à la dormance des cellules souches tumorales, hein, qui peuvent suivre des pistes différentes, s'adapter aux circonstances et faire réémerger une tumeur sous une forme un peu différente. Et donc, même si on ne l'observe pas, même une tumeur opérée avec une nécrose complète, il peut y avoir une récidive parce qu'il y a quelques cellules qui persistent. C'est intéressant cette notion de cellules souches tumorales ou de cellules souches cancéreuses. Ça veut dire qu'en fait, les cellules peuvent se rediviser, peuvent changer, peuvent donner lieu à de nouveaux types de cellules. Mais oui, en fait, le cancer, c'est une grande caractéristique du cancer, c'est son hétérogénéité génétique. Au début, c'est une cellule, mais très vite, c'est des cellules fofolles, quoi. Quand on regarde leur génome, il y a des nombres de chromosomes qui sont complètement anormaux, et c'est des cellules qui vont beaucoup meurent, donc il y a un gâchis, si je puis dire, mais elles s'en fichent, parce que, voilà, elles se remultiplient. Et cette hétérogénéité génétique était un peu un obstacle pour nos traitements directs, chimiothérapie ou thérapie ciblée, parce que elles avaient une autre voie de prolifération parce que justement la voisine n'avait pas tout à fait la même cible. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un concept qui s'est complètement retourné contre le cancer avec l'usage des immunothérapies. Parce que figurez-vous qu'à la faveur de cette hétérogénéité génétique, on peut avoir la fabrication de protéines toutes nouvelles pour l'organisme contre lequel l'hôte, c'est-à-dire la personne, ne l'avait jamais rencontré, et donc l'immunothérapie va être puissante contre ces cellules reconnues comme étrangères. Comme antigènes, oui, bien sûr. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais malgré tout, la cellule tumorale, elle a cette intelligence de plasticité. C'est comme les gens, hein. Les gens qui sont adaptables, ils sont plus intelligents que les autres. Les gens qui sont très rigides, ils réussissent moins bien. Ben, c'est pareil. Et donc, le cancer, il se dit, oh là là, là, on me tape dessus avec une thérapie ciblée, je vais me cacher là pendant un petit moment, le temps que je trouve comment m'en sortir, et puis voilà. Et si c'est un lymphocyte qui l'attaque, il va aussi trouver autre chose. Et donc, en fait, il y a comme des variables d'ajustement. Il y en a plusieurs. Il y a l'épigénétique, il y a la traduction des ARN. Nous, au laboratoire, on travaille beaucoup. C'est-à-dire ? C'est quoi la traduction des ARN ? En fait, l'ADN est transcrit en ARN qui, lui, va être traduit en protéines. Et en fait, quand on regarde les ARN d'une cellule, tous ne sont pas traduits en protéines, loin de là. Il y a une régulation très, très fine. Et c'est un complexe de protéines qui va décider quels ARN vont être traduits en fonction des circonstances. Et les cellules, elles jouent avec ça. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup là-dessus. Si on attaque une cellule avec des thérapies ciblées, par exemple, le mélanome a souvent une mutation d'un gène qui s'appelle la BRAF et on donne des anti-BRAF. La cellule, elle va réadapter pendant quelques temps sa traduction des ARN pour se cacher de ces anti-BRAF et à ce moment-là, elle sera en très faible nombre dans l'organisme. On ne la verra pas, on croira qu'on a une réponse très bonne, voire complète, sauf qu'elle est en train de chercher un moyen en traduisant des ARN bien précis pour faire de la résistance après. Donc je pense que nous, une grande voie de recherche qu'il faut qu'on développe tous, c'est d'aller taper sur ces cellules pendant cette période de vulnérabilité, parce qu'elles ne sont quand même pas en nombre et elles sont souffrance. Mmh. On ne les voit pas, donc on croit qu'elles n'y sont plus. Et c'est un peu bête de croire qu'on donne un médicament et après on s'en va et c'est fini. Bien sûr que non. J'ai lu aussi que cette multidrug resistance, comme on l'appelle, peut aussi être liée au fait que ces fameuses cellules souches cancéreuses que vous décrivez à l'instant aussi, Caroline Robert, c'est que ce sont des cellules qui se reproduisent beaucoup moins et donc qui sont moins cibles naturellement des médicaments classiques de chimiothérapie, François Dose. Oui, alors effectivement, ce qu'on appelle une cellule souche, c'est une cellule qui a une division par définition asymétrique, puisqu'elle est capable de redonner une cellule souche éventuellement dormante d'un côté, puis une cellule tumorale qui va proliférer. Et donc ce qu'on va voir, c'est la cellule proliférante, mais il restera de l'autre côté une cellule dormante qui peut à son tour redémarrer. Et voilà, donc là, c'est pour l'instant, la problématique des cellules souches tumorales et de traitement, je dirais, ciblant ces cellules souches tumorales, ça reste quelque chose d'une chimère pour l'instant. Et puis j'imagine aussi qu'il y a aussi une sorte de partie statistique à cela, c'est-à-dire que face à des cellules qui se développent et dont le patrimoine génétique change beaucoup avec une grande mutabilité, eh bien forcément, au bout d'un moment, il y en a une qui va mieux fonctionner que les autres et donc une sorte de sélection darwinienne. Exactement. Assez naturelle. Exactement. Ouais. On appelle ça d'ailleurs c'est les cancers de Darwin. Oui, en fait, il y a plusieurs théories. Il y a plutôt Darwin, plutôt Laplanck. On ne sait pas si elle était là à l'origine, la cellule résistante, comme un champ de mauvaises herbes et puis on les tue toutes et puis il y en a une qui résiste et après elle remplace tout le champ, ou si c'est vraiment l'adaptabilité au stress qu'on leur inflige. C'est peut-être les deux aussi. Oui, donc Darwin. Ce qui était intéressant dans ce papier que j'ai lu justement à propos de cette adaptabilité-là, c'est du coup que ça a aussi changé un peu la thérapeutique, dans le sens où sur des chimiothérapies trop agressives, du coup, on tue toutes les cellules qui sont sensibles et on ne laisse plus que les cellules qui sont d'emblée résistantes et qui d'un seul coup vont créer de facto une tumeur résistante parce qu'on aura attrapé trop fort et qu'on aura dans l'écologie entre guillemets de la cellule tumorale, on aura du coup laissé on aura tué trop vite les cellules plus sensibles. François Dose, qu'est-ce qu'il faut penser de ce papier? Alors, en tout cas, ça, pour l'instant, dans ma pratique clinique, ça n'a pas de traduction sur une stratégie thérapeutique spécifique. Je ne dis pas que le phénomène n'existe pas, mais pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas l'utiliser. Et il est vrai que la chimiothérapie, dans la plupart des cancers de l'enfant, est utilisée, je dirais, au maximum de son index thérapeutique, assez à des doses proportionnellement assez fortes, avec une toxicité liée aux doses utilisées. Et en général, quand même, pour la plupart des cancers de l'enfant, l'utiliser à ces fortes doses est souvent efficace. Mais il n'empêche qu'effectivement, on reste face aux 20% des patients pour lesquels il n'y a pas cette réponse et pour lesquels il y a un échappement thérapeutique qu'il faut arriver à contrer. Je pense que stratégiquement, il faut qu'on arrive à chercher ce qui est caché, parce que c'est ça qui va nous revenir dans la figure. Alors, il y a une façon de faire qui est proposée le plus souvent, et en général, les patients le comprennent très bien, et même sont demandeurs, c'est au cours du traitement, d'étudier ce qui se passe, c'est-à-dire de faire des prélèvements de la tumeur avant qu'elle ne disparaisse, au cours du temps, ou si elle résiste, de rebiopsier le cancer pour voir ce qui se passe. Et on espère beaucoup aussi en l'étude de l'ADN cancéreux circulant. L'ADN des cellules tumorales, on peut le retrouver dans le sang. Et quelquefois, on ne voit pas de métastase, mais on peut voir avant apparaître de l'ADN dont on sait qu'il provient de la tumeur dans le sang circulant. Et ça peut... On espère que ça va être des outils utiles. Et on va en reparler dans un instant dans le reportage du jour. Coming home. So baby, don't worry for me, and it'll be like coming home. So baby, don't worry for me, and it'll be like coming home. Well, baby, don't worry. The things I do, sometimes they don't matter. The things I do, sometimes they don't matter, 'cause I never know. Oh, sometimes they don't matter. The things I do, and I won't get a hold of my little red cell. Yeah. I won't get a hold of my little red cell. I won't set a foot on my bed today. Little Red Cells, on va recommencer. Little Red Cells de O Tiger Mountain sur France Culture à 16h35. Nous parlons pas que des petites cellules rouges, nous parlons bien des cellules tumorales et des problématiques liées à ce qu'on appelle l'échappement thérapeutique. Nous en parlons avec Caroline Robert, qui est chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussier, Université Paris-Sud, avec Sylvain Bell, qui est docteur en sociologie, chercheur également à l'Institut Gustave Roussier, co-responsable d'un programme de recherche à l'INSEE et à l'Université d'Aix-Marseille, et François Dose, qui est oncologue, pédiatre et directeur adjoint de la recherche clinique de l'innovation de l'enseignement dans le centre d'oncologie Cirédo. Alors, que fait-on lorsqu'un patient ou une patiente entre en échappement thérapeutique? C'est la question à laquelle nous allons tâcher de répondre dans cette deuxième partie d'émission. Plusieurs équipes, bien justement, de l'Institut Gustave Roussy travaillent sur le sujet, et c'est l'une de ces équipes que vous êtes allé rencontrer, Antoine Beauchamp. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, il s'agit du professeur Gilles Vassal, qui est pédiatre, oncologue et directeur de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy. Je l'ai rencontré à Lyon à l'occasion du 50e congrès de la Société internationale d'oncologie pédiatrique. On a parlé de ces deux programmes de recherche, ACCES et MAPI-ACT, qui tentent respectivement d'élargir le recours à certains traitements ciblés, mais aussi de caractériser le profil génomique des tumeurs. Gilles Vassal nous explique l'importance qu'ont ces études, notamment pour mieux comprendre certains cancers atteignant des enfants en échec thérapeutique. Il nous explique également quelles sont les pistes explorées pour caractériser de façon encore plus fine les tumeurs malignes pour enrayer la mécanique de l'échec thérapeutique. Le programme ACCES a été lancé par l'Institut National du Cancer il y a maintenant près de 8 années dans le cadre du plan cancer précédent. Et l'idée derrière était, il y a des nouveaux médicaments ciblés qui sont autorisés dans certaines indications, mais on sait que des patients avec d'autres indications ont la même cible thérapeutique. Il n'y avait aucune étude permettant de dire si ces patients bénéficieraient ou non de ce traitement ciblé. Un exemple, le premier médicament ciblait les cancers du poumon avec une altération de ALK et on savait qu'il y avait d'autres pathologies que les cancers du poumon qui avaient cette altération de ALK. Eh bien, le programme ACCES a eu pour objectif de répondre à la question, quels sont les patients qui ont ces altérations? Et pour ceux qui ont des altérations, est-ce que le médicament marche? C'est un programme qui inclut et des enfants et des adultes. Le patient le plus jeune avait 10 mois, la patiente la plus âgée avait 92 ans. Et on a vraiment proposé l'accès à une thérapeutique innovante à des patients pour lesquels on avait identifié la présence de la cible. Le programme MAPI-ACT, en quoi il consiste quant à lui? Donc aujourd'hui, pour essayer de proposer à des patients les innovations thérapeutiques dont ils peuvent bénéficier, on a besoin de comprendre, de caractériser leur tumeur. Et le programme MAPI-ACT, c'est un programme français qui est aussi ouvert maintenant en Italie et en Irlande et en Espagne. Pour des enfants en échec thérapeutique, on biopsie leur tumeur et on analyse l'ensemble de leur tumeur pour trouver des altérations que l'on pourrait cibler avec un traitement. C'est le programme pédiatrique, mais il y a des programmes en cours aussi chez l'adulte. Et c'est tout l'effort actuel de médecine de précision au travers de grands programmes qui essaye de caractériser la tumeur des patients à la rechute pour leur proposer de participer à des études qui ciblent leurs altérations. Vous évoquiez les patients et leur âge notamment. Alors pourquoi c'est important d'avoir à la fois des patients qui soient de jeune âge et des patients d'âge adulte? Parce que au cours des 30 à 40 dernières années, les médicaments anticancéreux ont été développés chez l'adulte. Et on voit qu'au cours des 20 dernières années, il y a vraiment une explosion de nouveaux médicaments efficaces dans des pathologies où il n'y avait pas de traitement. C'est l'immunothérapie, c'est les thérapies ciblées. Mais on a vu au cours de ces dernières années que l'évaluation de ces médicaments chez l'enfant était toujours, ou dans la très grande majorité des cas, retardée. Et pour nous, c'est essentiel d'accélérer la recherche et l'évaluation des nouvelles thérapeutiques chez l'enfant et de commencer précocement. Alors, ces deux programmes de recherche dont on parle, ACCES et MAPI-ACT, sont encore en cours. Est-ce que, à ce stade-là, vous avez déjà obtenu des résultats et vous pouvez déjà donner des explications pour lesquelles, des raisons pour lesquelles certains patients sont en échec thérapeutique? Grâce au programme MAPI-ACT en France, chez les enfants, on a pu identifier chez quelques patients la présence d'un nouveau gène, NTRK, pour lequel il y avait un médicament en développement chez l'adulte et chez l'enfant. Ce médicament est très efficace et vient d'obtenir une autorisation de mise sur le marché en Europe et aux États-Unis. Donc c'est l'illustration que, un, ces programmes permettent de générer de l'information moléculaire pour la tumeur des patients et que lorsqu'on a un médicament efficace, on peut aussi contribuer ainsi à accélérer le développement et obtenir des médicaments autorisés. Et ce médicament est intéressant parce que c'est la première fois en Europe qu'un médicament est autorisé pour une indication agnostique. Et ça, c'est une notion nouvelle. Les médicaments sont toujours, jusqu'à présent, autorisés pour le traitement du cancer du poumon, le traitement du cancer du côlon ou le traitement du cancer du poumon avec une altération de ALK. Ces médicaments, et ce médicament en particulier, agnostique, il a une indication qui est tout cancer, quelle que soit l'histologie, qui présente l'altération, peut être traité en situation d'échec thérapeutique par ce médicament. Alors, quelles sont les prochaines étapes à partir de maintenant pour justement faire avancer la recherche et mieux prendre en charge des personnes, des patients qui sont en échec thérapeutique? On a décrit ce qui se passe en oncologie pédiatrique, mais c'est quelque chose qui se passe dans toute l'oncologie. J'ai évoqué le plan France Génomique 2025, ça concerne les patients, adultes, enfants, avec une tumeur en échec thérapeutique. Donc c'est une vraie dynamique dans l'oncologie, ayant pour objectif de caractériser la tumeur des patients et de développer des traitements innovants. Et dans les traitements innovants, il y a les thérapies ciblées et il y a les immunothérapies. Et comprendre la tumeur est aussi important pour bien prescrire les immunothérapies. Donc on est vraiment dans une approche globale. Pour prescrire au mieux et développer des nouveaux traitements, il faut comprendre la tumeur. Mais il faut aussi être capable de comprendre chez le patient l'évolution de la tumeur. Ce qui caractérise une tumeur maligne, c'est sa capacité évolutive, son instabilité. Elle est sensible, elle devient résistante et ça explique la rechute. C'est pour ça qu'il faut développer de plus en plus l'analyse séquentielle dans le temps de la tumeur des patients pour comprendre l'évolution et essayer ainsi de développer d'autres traitements qui pourraient aider en échec thérapeutique. Et c'est là où arrive une innovation technologique qui est la biopsie liquide. Qu'est-ce que la biopsie liquide ? C'est on est capable, dans une prise de sang, d'identifier les tout petits fragments d'ADN tumoraux que la tumeur relargue dans le courant circulatoire, dans le sang principalement. Et on est capable de séquencer. Ce qui fait qu'on est capable d'analyser la tumeur, non pas en la biopsiant, mais en regardant dans le sang les fragments d'ADN qu'elle libère. Et ça, c'est très important parce que on peut répéter plus facilement un prélèvement sanguin qu'un prélèvement biopsique. C'est beaucoup moins invasif. C'est moins invasif et ça va permettre de suivre les patients au cours du temps. Donc on a des outils pour continuer à élargir notre capacité à comprendre l'évolution des tumeurs, des patients sous traitement, ce qui change l'abord de l'échec thérapeutique. Voilà le reportage du jour sur ces programmes de recherche à l'Institut Gustave Roussy, AXE, MAPI, ACTS, une réaction les uns les autres à ce que vous venez d'entendre, François Dos, pour commencer. Oui, alors ces programmes AXE et MAPI, ACTS sont des programmes nationaux promus par Gustave Roussy, dans lesquels d'ailleurs l'Institut Curie joue un rôle important aussi dans le programme MAPI, ACTS, puisque sur deux plateformes, pour tous les patients français pédiatriques, les explorations tumorales sont faites sur les plateformes des deux institutions. Alors c'est vrai que c'est très important, comme l'a dit Gilles Vassal, de mieux comprendre la tumeur, y compris quand elle récidive, parce qu'elle a des caractéristiques différentes de celles au diagnostic, essayer d'adapter le traitement en fonction de ses capacités. Mais bien sûr, le cas de l'inhibiteur de NTRK est très spectaculaire, concerne malheureusement une minorité de patients. Voilà, c'est par ce genre de démarche qu'on va progresser. Mais bon, on n'a pas encore aujourd'hui transformé tout le pronostic de toutes les maladies échappant au traitement. NTRK et ce gène qu'évoquait Gilles Vassal à l'instant dans le reportage. Caroline Robert. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vraiment l'adaptabilité des tumeurs qu'il va falloir cibler. Et il va falloir qu'on change un peu d'état d'esprit, en fait. Parce qu'on le dit, mais il faut vraiment le faire. Il faut vraiment s'imaginer que les choses changent rapidement au fil du temps. Il faut adapter nos outils en fonction de ça. Une question que je voulais vous poser avant de parler des essais cliniques, peut-être une réaction, Sylvain Ball aussi. Est-ce que vous venez d'entendre à ce reportage ? Alors, peut-être simplement pour souligner un point, c'est qu'on voit que depuis tout à l'heure, on a un peu changé de monde et c'est quelque chose qui est important pour le patient. On parlait tout d'abord des traitements un peu conventionnels, des chimiothérapies standards, et là, on commence à parler de la recherche. Et ça, c'est pas anodin du point de vue du patient parce que ce n'est pas régulé de la même manière, ça n'implique pas les mêmes choses pour ce patient. Et donc on voit aussi que dans cette question de l'échappement thérapeutique, on a aussi ce transfert petit à petit vers la recherche et ce que ça implique d'utiliser en fait ces protocoles de recherche aussi pour traiter ces patients. Alors justement, quand les patients se retrouvent dans cette situation d'échappement thérapeutique, une fois de plus, on le disait au tout début de cette émission, on entend beaucoup de choses dans les médias, on a parlé d'immunothérapie ici, on entend beaucoup de solutions miracles ou d'essais cliniques qui seraient en cours et qui pourraient permettre d'ouvrir une porte vers un nouvel espoir de rémission. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il est possible ? Est-ce que les patients réclament beaucoup justement l'entrée dans ces protocoles-là ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est simple ? Comment est-ce que ça se passe, Sylvain Bell ? Alors, déjà, on ne sait pas très bien s'ils réclament l'accès à ces essais parce qu'on a du mal, on n'a pas d'études qui permettent de surveiller ce que veulent les patients en général. Et ce qu'on voit, c'est les patients qui participent à ces essais. Donc on a une entrée qui est assez biaisée dans ce qu'on peut observer parce qu'on manque aussi de comparaison. Et pourquoi on manque de comparaison ? Parce que la recherche, c'est pas considéré comme du soin et donc historiquement, d'une certaine manière, ça a été pris dans un cadre législatif qui l'a mis à côté du soin et donc on n'estimait pas qu'il y avait une question d'égalité ou de droit d'accéder à ces questions de recherche. Bien sûr, il y a eu des évolutions et la lutte pour le VIH a changé pas mal de choses. Mais donc, on voit déjà qu'il y a ce transfert qui se fait pour les patients et qui est important à prendre en compte. Ensuite, tout ça n'est pas régulé par le soin et donc il n'y a pas de volonté d'organiser ça de manière centralisée. Et donc, les patients sont assez dépendants, de fait, des médecins qui les suivent et de leur connaissance du processus de recherche et leur capacité à identifier des essais cliniques existants. Et des établissements, j'imagine, dans lesquels ils sont suivis. Exactement. C'est Caroline vrai, Robert. Quand tu parles de biais, c'est évident. Moi, quand on me pose cette question, j'ai envie de dire oui, les patients sont demandeurs, mais je suis à Gustave Roussy, les patients viennent pour rentrer dans un essai clinique. Donc, il y a qui est un institut de recherche. Un énorme biais de recrutement. Mais on a quand même des patients qui viennent des villes d'à côté et on a encore, mais ce pourcentage diminue, des gens qui vont avoir cette réflexion assez drôle. Mais alors, je suis un cobaye. J'adore quand on me dit ça. Je dis, mais non, les cobayes, on ne leur demande pas leur avis. Mais je veux dire, c'est de moins en moins fréquent. La plupart des gens sont extrêmement bien informés. Ils disent souvent qu'ils ont vu le CV de médecin sur Internet, qu'ils veulent un essai clinique, qu'ils sont extrêmement partants. Et la médecine, d'ailleurs, en ça, a progressé. Moi, j'ai vu ça depuis que je suis interne. Je trouve qu'on ne fait pas le même métier. Je trouve que peu à peu, l'écart... C'est-à-dire ben, peu à peu, l'écart entre ce que je sais et ce que savent les patients se réduit. Oui. Et ils sont de vrais partenaires, ils comprennent beaucoup de choses et en plus souvent on a des choix thérapeutiques. Soit on peut rentrer dans un essai clinique, soit on peut avoir un traitement en dehors d'un essai, dans l'autorisation de mise sur le marché. Donc ce qu'on appelle un ATU, c'est-à-dire une autorisation temporaire d'utilisation. Oui, ou même un traitement qu'on prescrit comme ça, qui est autorisé. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans un essai thérapeutique parfois parce qu'on a des essais thérapeutiques qui peuvent remplacer le traitement standard. Donc le patient a des choix à faire. Et est de moins en moins embarrassé par ses choix. Il les prend en charge comme un... Moi, j'ai des patients qui me disent « Traiter ma maladie, c'est mon projet. » Et ils s'y mettent à fond, ils s'immergent dedans. Et je trouve que c'est formidable, ça. François Dose. Oui, alors, bon, la problématique de la pédiatrie, évidemment, ce qui est spécifique, c'est que c'est le consentement des parents et l'assentiment des enfants. Mais je dirais, même en revenant à une situation, disons, plus générale, d'un malade individuellement en échec thérapeutique, je pense que il faut partir de cette réflexion aussi individuelle. C'est-à-dire que dans tous les cas, et c'est très important, il faut que ce patient puisse avoir le traitement des symptômes douloureux et d'inconfort liés à la maladie. Avant et ça doit être toujours vrai. Et après, il y a une alternative à trois branches qu'a cité Caroline, mais il y a une alternative à trois branches. On peut très bien, quand il n'y a pas de traitement efficace connu en termes de guérison, décider de ne pas faire de traitement spécifique contre la maladie et de s'en tenir à ces traitements des symptômes douloureux et d'inconfort. C'est une des branches de l'alternative et il faut savoir la présenter aussi dans ces situations sans traitement efficace connu. La deuxième, c'est celle d'avoir recours à un traitement connu qui peut éventuellement ralentir l'évolution de la maladie en fonction de ce que l'on sait déjà, mais qui n'apporte pas dans l'état actuel de nos connaissances des chances de guérison. Voilà, encore qu'on ne puisse pas prévoir individuellement exactement ce qui va se passer, mais en tout cas c'est ce que l'on sait en général. Et la troisième possibilité, et ça un médecin investigateur doit vraiment le présenter comme une branche d'alternative, c'est l'essai thérapeutique. Et là, évidemment, c'est l'inconnu, mais on essaye un nouveau traitement, donc peut-être qu'on franchira une étape. Sylvain Bell, vous pensez aujourd'hui qu'il est facile pour un patient d'avoir justement accès à ces essais thérapeutiques ? Est-ce que les médecins sont suffisamment informés au sein de la communauté d'oncologie de l'existence de ces essais pour faire rentrer ou pour être volontaires pour faire rentrer leurs patients ? Est-ce que là aussi, il y a des biais de recrutement pour les patients et pour qu'ils puissent avoir à ces différentes phases d'essais ? Alors, nous, on a travaillé sur un type particulier d'essais qui sont les essais précoces. Donc, c'est... on va dire les premières étapes de recherche sur l'homme d'un nouveau médicament et qui, quand même, ce qui est important peut-être pour comprendre, généralement n'ont pas de randomisation, c'est-à-dire qu'on ne compare pas un bras avec le traitement standard et le nouveau traitement. Et lorsqu'on a regardé un peu ces essais, on s'est intéressé aux médecins et quand même ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une tendance à proposer ces essais de plus en plus tôt pour les patients et des médecins qui attendent de moins en moins. Et donc, d'une certaine manière, anticipent la possibilité d'envoyer leurs patients vers ces essais. Après, ça, c'est le côté un peu positif, mais il y a quand même un autre côté qui est, si on sort des patients de Gustave Roussy, de l'Institut Curie et de ces quelques grands centres, on voit qu'après, il y a une très grande disparité. Et il faut quand même rappeler qu'on a à peu près, si on le fait simplement, une vingtaine de grands hôpitaux qui développent beaucoup cette recherche. Et derrière, on a plus de 900 centres sont amenés à traiter le cancer. Et donc, se pose la question pour tous ces patients, comment faire pour accéder? Et François Dose présentait un petit peu le processus de décision. Le problème pour ces patients, c'est que ce processus de décision va être morcelé en fait entre différents professionnels de santé. Un premier médecin va leur proposer par exemple d'aller vers un essai clinique sans forcément savoir exactement de quel type d'essai il s'agit. Et donc peut-être va mettre tout l'espoir sur cet essai clinique. Et ensuite, on va se retrouver avec un nouveau médecin qui lui va se retrouver dans une position peut-être plus inconfortable de mettre en balance effectivement ses choix qui peuvent être aussi individuels et nécessiter la connaissance un peu plus importante du patient, de son histoire familiale. Donc, Je lisais que la population des patients inclus dans les phases précoces est davantage diplômée, une surreprésentation des patients ayant un niveau supérieur au bac et une part plus importante de personnes habitant dans les communes favorisées. Ça veut dire qu'il y a une égalité territoriale et socioculturelle aussi. Ça pose cette question. C'est une question nouvelle. Donc effectivement, on a essayé de travailler là-dessus. C'est des données qui sont très difficiles à générer pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est qu'on n'a pas de population de comparaison. On ne sait pas à qui il faut comparer ces personnes. Mais donc, quand même, ça paraît un peu Caroline évident. Robert. Excuse-moi, mais on a des patients qui viennent d'eux-mêmes. Pour venir de soi-même, il faut avoir cherché l'information. C'est pas tout le monde ne peut pas le faire, donc ça me paraît quand même assez évident. Sylvain Mel. Alors, les patients qui viennent d'eux-mêmes, en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, la démarche est quand même initiée par un médecin. Et en fait, c'est ça qui apparaît comme l'élément fondateur. On a demandé comment ils étaient informés sur ces essais. Et dans plus de 9 cas sur 10, en fait, ils sont informés par leur médecin. Et ils n'ont pas trouvé d'informations par ailleurs. Donc, ils restent encore très dépendants de « est-ce que mon médecin m'a présenté ou pas cette option ?» Ça, c'est quelque chose qu'on voit et qui reste majeur, même si après, ils s'informent de plus en plus sur ce que l'on leur propose. Mais l'initiation reste quand même très... Le médecin traitant, tu veux dire ? L'oncologue référent. L'oncologue, oui, c'est ça. Oui. Alors en pédiatrie, c'est différent, je pense, parce qu'on est dans un réseau national, c'est bien sûr des maladies rares, c'est moins de 1% des cancers. On est dans un réseau national où les collègues, confrères se connaissent bien, suivent les enfants, peuvent, si l'enfant est potentiellement éligible, référer l'enfant avec ses parents dans un autre centre pour un essai dont il est lui-même informé dans le cadre du réseau national, y compris de la société savante qui s'appelle la SFCE. Donc je pense que dans le monde de la pédiatrie, il peut y avoir des parents qui viennent d'eux-mêmes, ça arrive régulièrement, dans une démarche de « est-ce qu'il y a un essai thérapeutique ?» mais il est rare que, en fait, ils découvrent un essai que le médecin qui suit leur enfant ne connaissait pas lui-même. Ouais. Alors que ça, c'est fréquent quand même dans la population adulte. Je crois aussi qu'il faut dire, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, qu'un essai de phase 1, une première fois qu'on va donner ce médicament chez l'homme, n'est proposé qu'en l'absence de traitement standard de référence. On rappelle, l'essai de phase 1, c'est sorti du modèle animal, c'est vraiment le premier essai sur l'homme qui est un essai de toxicité à proprement parler. C'est-à-dire qu'on vérifie que le médicament n'est pas plus toxique. On cherche la dose. Voilà. Après, dans la phase 2, on va quand même étudier plus l'efficacité. Et dans la phase 3, on va comparer avec un traitement standard. Tous ces essais sont extrêmement contrôlés par des comités d'éthique nationaux et en général par le centre qui va coordonner l'essai. Et aussi, il faut rappeler que le patient est libre de sortir de l'essai dès qu'il le souhaite. On n'est jamais prisonnier d'un essai clinique. On n'est ni mieux traité, ni moins bien traité. On a un calendrier de consultation qui est différent, mais le patient est toujours libre de se retirer s'il le souhaite. Et ça, c'est très important qu'il le sache. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux patients qui disent « Ah ben oui, mais moi j'ai demandé, j'ai fait des appels du pied pour qu'on me propose de l'immunothérapie pour me faire rentrer dans un essai et je suis retrouvé face à une porte fermée ». Il y a aussi effectivement ce sentiment un peu qu'il y a les grands instituts à Paris et puis que quand on est traité dans un hôpital en région, c'est plus difficile d'avoir accès à ce type de thérapeutique. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là, Sylvain Bell ? Alors, de manière très pratique, je dirais demander des seconds avis. Et ça, c'est quelque chose que les patients ont le droit. Et je pense que c'est important parce que c'est important aussi que les patients aient le sentiment que leur médecin leur donne les bonnes informations. Et si ça peut aussi aider la relation thérapeutique, je pense qu'il faut rappeler ce droit, en tout cas, de s'informer et d'aller demander des informations ailleurs. Ensuite, c'est des situations qui sont très compliquées parce que se déplacer pour un essai, c'est pas non plus évident, hein, et c'est aussi une balance plus générale qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire lorsqu'on va amener des patients à se déplacer de l'autre bout de la France pour participer à un essai qui nécessite des rendez-vous hebdomadaires, il faut aussi réussir à faire comprendre les enjeux d'une telle participation à un essai clinique, à la fois pour les médecins référents, qui des fois n'ont pas toujours une compréhension fine de ce que va impliquer la recherche, mais aussi pour les patients, qui peuvent mettre beaucoup d'espoir et ensuite se sentir un petit peu prisonniers de cette situation où ils veulent absolument avoir cet espoir, de ce nouvel espoir, et en même temps se rendre compte que c'est compliqué à gérer. Caroline Robert ? Oui, ça, c'est des choses qu'il faut évaluer quand on voit le patient. Lors des premières consultations, on explique ce que ça va signifier en termes de déplacement et il faut essayer d'évaluer en fonction des patients, de leur vie, de leur famille, si ça va être possible ou pas. Et aussi, il y a des critères d'éligibilité. Quelquefois, les patients souhaitent un traitement. Maintenant, il y a aussi, tout le monde veut de l'immunothérapie, mais l'immunothérapie n'est pas bonne pour tout le monde. Donc, il faut. Ça ne fonctionne pas pour tout. On peut redire pour quels sont les types de tumeurs pour lesquels l'immunothérapie a prouvé une forme d'efficacité. Alors d'abord, ça fonctionne mieux pour certains cancers que d'autres, mais même au sein du même cancer pour lequel l'immunothérapie marche, par exemple le mélanome, par exemple le cancer du poumon, ça ne marche pas pour tous non plus. Et parfois, les patients ont des maladies sous-jacentes qui font que l'immunothérapie est dangereuse. Donc il faut avoir un discernement. Et le temps d'explication et le temps d'information est un temps qu'il ne faut jamais négliger et qui va faire gagner beaucoup de temps après. Un mot peut-être, oui, François Deuze. Oui, je voulais juste revenir un peu sur ce que vous avez dit. Je pense quand même que le territoire français est couvert par des centres très compétents, y compris en développement précoce, dans toutes les régions. Il y a des centres labellisés par l'Institut National du Cancer sur les phases précoces. Il y en a une vingtaine, je crois, en cancérologie d'adultes, dont sept également en cancérologie pédiatrique à travers le territoire. Donc, je pense que c'est possible, où que l'on vive sur le territoire national français, d'avoir accès à des essais précoces, même si certains sont ouverts dans certains centres et pas dans tous, mais il y a quand même une bonne couverture nationale. Donc je pense que... Mais cette réflexion doit être individuelle et il faut à la fois, si vous voulez, à mon avis, il y a deux risques pour les médecins investigateurs de ces essais ou qui adressent les patients pour ces essais. Il y a un risque de surmotivation où on fait penser aux patients que seul l'essai thérapeutique est la seule solution. Il y a un risque de sous-motivation où on ne veut protéger le patient pour ne pas l'ennuyer avec les contraintes liées à un essai alors que le patient le souhaiterait. Mmh. Les deux risques sont tout à fait à combattre. Mmh. Une question aussi pour conclure. Quid, pour le coup, de l'échappement du parcours de soins et du recours aux thérapies dites alternatives ? Alors, je n'ai pas directement travaillé sur cette question des thérapies alternatives. Néanmoins, on a étudié un cas témoin. Alors, des fois, en sociologie, on prend l'histoire d'un patient particulier pour essayer de voir ce qui nous apprend sur les situations plus générales. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un patient très éduqué, qui comprenait très bien le monde médical et donc qui a fait beaucoup de démarches proactives pour accéder à des essais. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que les essais étaient sur le même plan que n'importe quelle nouvelle thérapie. Et lui, il était plus à même de penser que les essais étaient ce qu'il lui fallait. Mais il discutait quasiment de la même manière de thérapies plus expérimentales ou alternatives avec d'autres patients qui, eux, y croyaient. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut aussi garder en tête. C'est que pour ces patients, essais cliniques ou thérapies des fois alternatives, on est des fois dans quelque chose un peu similaire potentiellement en fonction des affinités de chacun. Caroline Robert, un mot à ce propos-là ? J'ai fait une enquête dans la salle d'attente une fois. Une de mes internes a fait un travail dessus. Et en interrogeant les patients d'une façon habile, on s'est aperçu que la grande majorité des patients avaient recours à des médicaments qu'ils achetaient sur Internet, dont l'efficacité n'était pas du tout prouvée. Et voilà, il faut le savoir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Caroline Robert, merci Sylvain Bell, merci François Deuze d'être venu nous parler de ces conditions d'échappement thérapeutique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. Demain, nous irons bien loin, nous sortirons de notre système en direction de l'endroit d'où proviennent Oumuamua et deux pays guérisseurs dans le milieu interstellaire. Qu'y a-t-il entre deux systèmes solaires ? Qu'y a-t-il entre deux galaxies ? Que se passe-t-il ? Qui trouve-t-on ? Des réponses demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.